Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Outlab, votre podcast auto-hebdo. Ça y est, les petits numéros de fin d'année sont là, puisque la Formule 1 a également connu son dénouement du côté d'Abu Dhabi ce dimanche, avec le titre mondial remporté par McLaren chez les constructeurs. Premier titre mondial pour la marque britannique depuis 1998. Tant vous dire qu'on n'était pas nombreux à être nés autour de cette table. Mon regard se tourne vers Dorian Grangier. Comment va Dorian aujourd'hui, qui donc n'était pas né en 98, rendez-vous compte. Bah écoute, une grande première du coup pour moi de voir McLaren champion du monde finalement. Je suis né un an après leur avant-dernier sacre du coup. Donc c'est un peu spécial, mais ça fait plaisir pour une écurie aussi historique de les revoir de nouveau au sommet. Je suis outré par ces propos. Alors je regardais pas encore la F1, mais enfin j'aurais pu voir ce sacre en direct. Gonzalo Formez, il avait quel âge lors du dernier sacre de McLaren ? J'avais deux ans et demi, on va dire. Voilà, j'étais un petit jeune, donc forcément, j'ai pas vu McLaren champion de ma vie, parce que à l'époque, je regardais toujours pas la F1. J'étais un petit garçon. On va demander, s'il vous plaît, à des gens qui nous écoutent, hein, mettez-nous un commentaire, un message. Dites-nous que vous avez vécu ce dernier sacre de McLaren avant ce week-end. Ouais, toi, Michael, à l'époque... J'avais quand même déjà 6 ans, hein, ma bonne dame. C'était... Non, j'aurais pu voir. Bon, ça n'a pas été le cas. J'ai commencé la F1 deux ans après. Donc, voilà. J'ai commencé, j'ai vu Ferrari tout gagner, donc c'était pas tout à fait la même chose. Après, on a quand même vu McLaren champion avec Lewis Hamilton, donc ça rattrape quand même un tout oui, petit oui, peu. Oui. Et ce qui me choque, c'est que beaucoup des personnes qui nous écoutent n'ont peut-être même pas vu le titre de Hamilton en 2008, peut-être. Et là, c'est horrible. Et n'oublions pas non plus que McLaren aurait dû être champion en 2007, mais ils se sont fait disqualifier. Donc, oui, l'un oui. Dans l'autre, bon. Après, y a-t-il eu des raisons? Bon, ça, voilà. Voilà, on vous fera peut-être un épisode Spygate pendant l'hiver, Spygate. Voilà. Mais techniquement, on a quand même vu McLaren au sommet dans notre vie. Heureusement, oui, c'est heureusement, pas... Oui. C'est, mais on les a vus aussi toucher le fond ces dernières années, et ça fait plaisir de les revoir, retrouver ainsi les sommets. C'est donc ce dont on va parler aujourd'hui, et on va même y aller, on va mettre les pieds dans le plat, après ce dernier Grand Prix qui a été remporté par Lando Norris. Est-ce que ce trio Norris-Piastri-McLaren ne devient pas de facto les favoris pour la saison 2025? Parce que c'est dans moins de 100 jours, hein. Fort déjà s'y mettre à la saison 2025, on en est déjà tout proche. Donc c'est parti, on va évoquer McLaren aujourd'hui. Car effectivement, Max Verstappen est devenu champion du monde des pilotes. C'était déjà à Las Vegas qu'il avait réussi à obtenir ce titre mondial. Mais donc, le titre des constructeurs s'est joué jusque dans les derniers tours, avec ce titre remporté donc par McLaren face à Ferrari. Et donc, avec cette fin de saison dont nous ont gratifié les McLaren, est-ce qu'on ne serait pas sur une saison 2025 qui pourrait certainement continuer de la même façon, hein, puisqu'on sait que ce sont des évolutions de ces voitures 2024, puisque le nouveau règlement arrive en 2026. Gonzalo, est-ce qu'on ne peut pas déjà dire que c'est McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri se posent en favorite pour la saison 2025? Moi, j'ai tendance à dire oui, dans le sens où je pense que c'est l'équipe qui a été la plus forte à partir de Miami, quand la voiture a connu un bond avant invraisemblable. La concurrence reste là, Verstappen a réussi à gratter quelques victoires finalement, mm-hmm. alors qu'on ne le voyait pas, et que Ferrari est quand même très proche. Mais je me dis que sur une année entière... Avec un plan bien établi, pilote numéro 1, pilote numéro 2, je me dis que si Lando Norris commence avec une bonne voiture dès le début, je me dis que dans la situation actuelle, et vu comment s'est déroulé le Grand Prix d'Abu Dhabi, je me dis que McLaren est à l'heure actuelle le favori pour 2025. Après, évidemment, on ne sait pas ce qui se passe dans les souffleries, dans les usines aujourd'hui. Est-ce que Red Bull va nous ressortir une bête là-bas, Milton Keynes? Est-ce que Ferrari est en train de produire une machine? Et en plus, il y a Lewis Hamilton qui arrive, donc on ne sait pas. Mais vu la physionomie de la fin de saison et de la performance pure et dure, je dis oui, McLaren favori pour 2025. Tu as évoqué Lewis Hamilton, je tiens juste à préciser que c'était son dernier Grand Prix avec Mercedes, parce qu'on n'a pas trop parlé ce week-end. C'est vrai, important. J'avais oublié. C'est important de le remettre. J'ai vraiment cru. Puis dites-vous qu'avec les commentaires français sur F1 TV, tous les tours, ils disaient « Et puis il dit, oui, c'est quand même son dernier Grand Prix ». J'ai vraiment cru qu'il partait et qu'on était tous surpris. En fait, non, il continue visiblement. Il sera chez Ferrari l'an prochain. Dorian, toi, tu es peut-être un peu moins... De cet avis, moins catégorique, effectivement. Alors oui, si on regarde l'ensemble de la saison, et notamment la deuxième partie de saison, c'est difficile de ne pas dire que McLaren fait partie des favoris. Après, si on regarde vraiment la dynamique des dernières courses, pour moi la meilleure progression, ça a quand même été Ferrari, mm-hmm. qui est revenu quand même à 14 points de McLaren en cette fin de saison, alors qu'ils étaient encore 50, 60, 70 points derrière il y a 4-5 Grands Prix. Sur la dynamique, pour moi, Ferrari pourrait vraiment jouer à armes égales face à McLaren l'année prochaine, sachant qu'ils auront un nouveau duo avec l'arrivée d'Hamilton? Est-ce que ça sera un duo qui sera plus fort que celui qu'on a eu jusqu'à maintenant avec Leclerc-Sainz? Je sais pas, parce qu'Hamilton va falloir qu'il s'adapte aussi à l'équipe. J'ai du mal à dire que McLaren sera ultra favori l'année prochaine. Ils ont peut-être même certainement le meilleur duo de la grille, ça c'est clair, donc des points ils vont en inscrire. Alors je vois vos têtes un petit peu circonspectes, mais pour moi, au niveau jeunesse, au niveau de tout ce qu'ils ont appris cette année, McLaren, oui, au niveau des pilotes, ça risque d'être très très fort l'année prochaine. Mais au niveau de la voiture, j'aurais plus tendance à faire confiance à la Scuderia qu'à McLaren. Parce que McLaren, sur cette fin de saison, j'ai l'impression qu'ils ont atteint une sorte de plateau, qui est très haut, qui est très impressionnant, mais finalement, il y a certaines courses, je pense à Las Vegas notamment, où ils n'étaient pas là. Donc McLaren n'est pas forcément fort de partout, tandis que Ferrari sur cette fin de saison a quand même été assez régulière. Ça n'a pas été toujours les meilleurs, mais ils étaient là, ils ont bien progressé, les évolutions ont fonctionné. Donc attention. Et puis évidemment, il y a toujours Verstappen et on ne sait jamais ce que va produire Red Bull. Et Verstappen, il n'a pas besoin d'avoir la meilleure voiture, on l'a vu encore cette année, pour gagner des courses. Donc attention. Non, moi là où je rejoins pas trop, trop Dorian, c'est vraiment pour moi McLaren cette année aurait pu être championne beaucoup plus facilement chez les constructeurs. Pour moi cette année McLaren c'est surtout une question d'avoir manqué des chances, pas des courses qui étaient offertes sur un plateau, mais des courses qui pouvaient gagner largement. Mais c'est principalement dû au fait de l'équipe, oui, c'est ça, justement. Et c'est pour ça que je me dis qu'en mettant là en fait, j'ai l'impression qu'ils se sont retrouvés avec cette position de favori même dès cette saison d'un coup, comme s'ils n'étaient pas prêts. Et logiquement, ils n'étaient pas prêts parce que je pense qu'avec les évolutions qu'ils ont ramenées à Miami, ils s'attendaient pas à ce que Red Bull de l'autre côté dégringole. Je me dis qu'avec trois mois de trêve, en travaillant, en remettant les choses à plat, en faisant un bilan, je me dis que tout est bien hiérarchisé avant le premier Grand Prix de la saison. Norris numéro 1, Piastri numéro 2. Aujourd'hui, c'est clair et net, je pense qu'il ne faut pas une confirmation de McLaren. Norris part pour être numéro 1. Et McLaren se dit, c'est peut-être notre dernière chance, parce que ça se trouve, en 2026, on va se tromper sur la direction qu'on prendra avec la nouvelle réglementation. Donc on se dit, c'est la dernière chance qu'on aura de là pour le coup. L'année prochaine, l'objectif de McLaren, ça sera de doubler. Norris l'a dit, dès la radio, il a dit, l'an prochain, c'est mon tour. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je me dis qu'en établissant toute la feuille de route claire, précise, qui sera numéro 1, comment va fonctionner le dimanche, si Piastri est en tête et que Verstappen n'est pas loin et que Norris peut jouer la victoire. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'en préparant bien l'année, McLaren part favorite selon moi. Moi, c'est ce qui m'inquiète. On a eu le même petit rictus avec Dorian. Ouais, c'est est-ce qu'ils vont aller jusqu'à dire directement à Piastri qui sera numéro 2? Ça, j'en doute un petit peu. L'avantage qu'ils peuvent avoir, c'est comme les saisons font 24 Grands Prix, ils peuvent se permettre de se donner 6-7 courses, on sera toujours pas au tiers. Pas vraiment, parce qu'on l'a vu cette année, il a suffi de 2-3 courses où c'était un petit peu étrange, où c'était pas clairement établi, et McLaren a perdu de gros points là-dessus. Donc ils peuvent se permettre, en début de saison, on va voir la dynamique, qui sera devant l'autre, est-ce que Piastri va prendre le dessus, est-ce que Norris aura toujours un petit avantage. Je pense qu'on partira plutôt là-dessus quand on voit la fin de saison de Norris. Il a, je pense, encore un petit dixième de... Je pense qu'il est encore meilleur. Piastri, depuis Baku, a été pas très mauvais, mais il a beaucoup souffert. Ouais, et puis Norris, maintenant, ça y est, je pense que mentalement, maintenant qu'il a connaissance d'avoir joué le titre, d'avoir cette expérience-là, il a quand même gagné 4 Grands Prix cette saison. C'était ses 4 premières victoires, pas l'oublier. Je pense que maintenant, mentalement, il est prêt à vraiment lutter le titre du début, donc du premier Grand Prix jusqu'à la fin. C'est vrai que si les deux jouent un peu à égalité, qu'ils se cannibalisent un peu les points l'un et l'autre, McLaren peut se retrouver dans une situation où il va falloir faire un choix. Et j'ai bien peur que pour Piastri, on lui dise, Norris il est là depuis 2019, c'est celui qui a porté l'équipe jusqu'au titre constructeur, on va forcément le favoriser. Et quand t'as un Piastri qui a le potentiel pour devenir champion du monde, je pense que mentalement ça pourrait lui faire mal. C'est ça. Il y a le petit geste aussi, anodin, certes c'est 15 sprints, mais la victoire que lui laisse Norris à Piastri, c'est sans que l'équipe lui demandait, alors que l'équipe lui a même dit il le fait pas parce que Russell est pas loin, c'est un coup stratégique de Norris, je pense, en réfléchissant en 2025, en disant oublie pas ce que j'ai fait l'année dernière alors que vous m'avez demandé de pas le faire. J'ai été correct, j'ai été gentleman, j'ai rendu la victoire que Oscar m'avait donnée au Brésil. Donc moi aujourd'hui, pour moi, la question elle se pose même pas par rapport à, comme toi tu le dis toi-même, Dorian, il est là depuis 2019, il a connu des saisons pas faciles. Piastri, depuis il est là, l'écurie est en progression. Certes, le début 2023 était difficile, on se rappelle, il sortait pas de la Q1, hein. Mais non, puis je vois pas comment Zach Brown va pas dire, les gars, l'année prochaine c'est Lando, Bah, en fait, limite, ça serait lui manquer de respect. Il faut lui dire, faudrait dire ça dès le premier Grand Prix. Bah, c'est fait. Pour ça que je dis, pour moi, ouais. Oui, si tout se met en place, clairement. Mais pendant l'hiver, ils vont faire ça. Ils pourront pas le faire pour Piastri. Parce que si Piastri, dès le premier Grand Prix, tu lui dis, bah écoute, Coco. T'en as 24 à tranquiller en étant numéro 2, c'est peut-être. Ça va être une longue saison pour Piastri et pour McLaren. Parce que si t'as ton deuxième pilote qui est conscient qu'il pourra pas jouer le titre parce qu'il faut aider l'autre. En sachant qu'ils ont un niveau qui est quand même assez proche. Après, ça peut le motiver aussi, parce que tu parles justement d'un niveau assez proche. Si on regarde les chiffres, honnêtement, c'est 4 victoires pour Norris, 2 pour Piastri, mais les deux sont dus quand même à des concours de circonstances d'une certaine manière, puisque la Hongrie, Norris, doit lui redonner la victoire. C'est Norris qui avait repris l'avantage suite à une cafouillade de l'équipe, certes, mais Norris était quand même dans le coup. Et il gagne Bakou, mais parce qu'aussi Norris ne sort pas de la Q1, qui sait si Norris... Parce qu'il se loupe. Non, mais je suis d'accord. C'est pas un circonstance, pour le coup, à Bakou, il est excellent. Tenir Leclerc pendant 30 tours... Je suis d'accord, c'est-à-dire que pour moi, il gagne les deux Grands Prix où Norris doit rendre ou n'est pas là, tu vois. Mais c'est, si Norris n'avait pas fait ses erreurs, après, encore une fois, il fait des erreurs, c'est pas la faute de Piastri, c'est pas ce que je diminue. Mais surtout, il y a quand même 8 pôles positions aussi pour Norris, aucune pour Piastri. Ouais. Ça montre quand même que dans l'exercice, en tout cas en termes de rythme pur aujourd'hui, je pense que Norris reste quand même un cran dessus. Faut pas oublier que depuis Bakou, justement, la fin de saison de Piastri, elle a été... C'est compliqué. Je dirais pas compliqué, mais il a été un ton très en dessous par rapport à ce qu'il a pu montrer jusque-là. Là, la deuxième place en qualif à Abu Dhabi... C'est son retour. Voilà, un peu, derrière en course, malheureusement, il se fait accrocher par Verstappen, il est complètement innocent, etc. Mais quand on voit Singapour, le Brésil, le Brésil, il y a eu la victoire, il y a eu le sprint, mais le dimanche, il était pas là. Las Vegas, ils ont souffert, Austin, pareil. Donc, pour moi, cette fin de saison me fait dire que c'est déjà, le choix est déjà fait en interne. Parce que si on continue sur la lancée, il faut évidemment. Mettre Norris devant Piastri pour l'année prochaine. Piastri qui n'a pas eu de chance non plus hier parce qu'il a été un peu victime de ces nouvelles directives, un peu des commissaires qui étaient assez. Il fallait pas les embêter hier, les commissaires, j'ai trouvé. C'était pas quand plus même. Mal, moi, j'ai trouvé. Ouais, mais les gens réclamaient plus de dureté pour Verstappen. On va l'appliquer pour tout le monde, quand même. Ah, évidemment, je suis d'accord. Mais j'avoue que 10 secondes pour l'incident avec Colapinto où les deux continuent, ça m'a surpris. Pardon, c'était le dernier, peut-être, de Franco, peut-être. Non. Ah, ok. Ce n'était pas le dernier Grand Prix de Franco Colapinto, pardon, je parle sous contrôle argentin, pour être certain. Non, mais c'est vrai que oui, ça a été surprenant. Bon, c'était pas plus mal. Il a quand même fait abandonner Colapinto parce qu'il a eu des dégâts sur son diffuseur. Ouais. Il lui a fait une crevaison, donc il a gâché sa course. Donc 10 secondes, pour moi, ça peut paraître sévère, mais c'est. Est-ce qu'il a eu les 10 secondes après l'abandon de Colapinto ou avant ? C'est là où on ne sait plus quel était le timing des événements. Normalement, après, t'es pas censé observer les conséquences. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Colapinto, il continue un peu. Il continue, il abandonne à mi-course, mais ça reste quand même une erreur un peu de Piastri La sanction est logique, quoi qu'on en dise. Comme disait Gonzalo, on se plaignait que les pénalités étaient soit trop douces, soit pas cohérentes. Voilà. Au moins, là, pour le coup, tout le monde était servi hier. 10 secondes, merci. Là-dessus, rien à redire à redire par rapport à la direction de course et au commissaire de course. Mais c'est vrai que tous ces incidents ont fait aussi que Ferrari était dans la lutte jusqu'à la fin du Grand Prix. Parce qu'il y en a qui a quand même échappé, c'était pas dimanche en course et samedi en qualif, le petit George Russell. Avec Lawson, je vois pas comment on peut estimer que c'est pas une gêne, mais bon, c'est un autre débat. C'est l'ami George, on dira rien, évidemment. est-ce que Fernando Alonso peut donner un avis peut-être sur cette application ou Max Verstappen peut-être. Oh là là, ça... D'ailleurs, on va lancer un appel. Si Max Verstappen et George Russell veulent venir dans un podcast spécial d'Outlap, n'hésitez pas. Nous, on prend, a des gants de boxe. On a tout ce qu'il faut. On peut s'amuser, on peut vous faire un épisode sympathique. En tout cas, McLaren a bien remporté ce titre mondial, ça c'est sûr et certain, je pense que ça ne devrait pas changer, mais c'est vrai que, vous voyez, on parle de ce côté où ils étaient un ton au-dessus, mais quand je vois la réaction de Charles Leclerc après le Grand Prix, je me dis que chez Ferrari, on s'y attendait, on espérait vraiment aussi ce titre mondial avec cette fin de saison qui était vraie, assez régulière finalement. C'est peut-être là-dessus qu'ils pourraient tirer la pingue du jeu, parce que personne n'a été très régulier cette saison. Peut-être que c'est un axe sur lequel on pourrait compter en prochain. Tout le monde a commencé à trouver son rythme. Dès que Red Bull a commencé à baisser, les gens commençaient à savoir où était vraiment la hiérarchie. Et Non, mais le Ferrari, sur cette fin de saison, ils ont quasiment toujours été là. Hein. Mmh. On l'oublie quasiment, mais Leclerc fait deuxième au Qatar, alors que... Il a pas fait de bruit, voilà. Il fait une deuxième place. Il pensait pas du tout pouvoir jouer voilà. quelque chose là-bas, en plus. Mmh. Et, hier, il fait une remontée incroyable. Quand on voit qu'Hamilton remonte aussi hier, on se dit que l'année prochaine... Ah là, ceux qui se questionnaient sur sa rapidité, son implication, ouais. quoi que ce soit, ont été servis. Hein. Non. Ouais. Mais Vasseur l'a très bien expliqué après la course, c'est qu'ils perdent le titre pour 14 points. Il y a 2-3 courses après la victoire à Monaco où c'est très compliqué, ah oui, et c'est là où ils perdent le titre. Parce que maintenant ouais. qu'on peut faire un peu le bilan avec la vue globale de cette saison, il y a le Canada où il y a le double abandon, qui est la course juste après Monaco. Hein, mm-hmm. Et c'est, je pense que c'est là où, et à l'époque on ne le savait pas, hein, mais c'est là où Ferrari perd le titre. Et il le dit très bien, Frédéric Vasseur, c'est que l'année prochaine, s'ils évitent ce genre de trou d'air dans la saison, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas champions du monde derrière, voilà. s'ils ont une bonne voiture. Donc voilà, là où McLaren a vraiment été performant sur toutes les courses à partir de Miami, Ferrari a eu un creux, et ensuite ils sont revenus. Ouais. Et ensuite ils sont revenus sur la fin de saison plus fort que McLaren. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, je ne place pas McLaren comme grand favori. Pour moi, la dynamique est meilleure actuellement chez Ferrari, mais encore une fois, l'année prochaine, nouvelle saison, Frédéric Vasseur a dit que la voiture serait même plus qu'une évolution, ça serait encore une nouvelle voiture l'année prochaine, c'est un risque. Attention, oui, c'est un risque, mais c'est ce qu'ils ont fait cette année et ça a payé, donc autant retenter la chance. Et puis... ouais, l'arrivée d'Hamilton, on ne peut pas la nier, et ça va changer beaucoup de choses aussi, je pense, au niveau du développement de la voiture l'année prochaine. Donc ça va être... en tout cas, le seul truc qu'on peut dire, c'est que je pense qu'on a tous les trois hâte d'être l'année prochaine, oui. puisque ça voilà. va être une... Si on s'arrête sur les mêmes bases que cette année, ça va être incroyable. C'est ça qui est fou, c'est qu'on vient d'avoir 24 Grands Prix, et on se dit, bon, bah, ce serait sympa si la saison 2025 commençait tout de suite, quasiment. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite, quand même, Michael. Ça serait bien d'avoir une pause. Et si je vous dis qu'exceptionnellement, on bosse pas le premier Grand Prix. Et qu'il y a eu dans une semaine. Calme. Ah non, mais moi, j'ai vraiment envie, avec tous ces changements, avec tout ça. Mais on était quand même sur une année 2024 où on s'attendait à ce qu'elle soit... il fallait juste la passer, et puis bon, vivement 2025. Finalement, on s'est éclaté quand même cette année. On en fera le bilan plus complètement la semaine prochaine. Oui. Hein, ne vous en faites pas. Je termine par une stat que Lando Norris espère voir se réaliser de nouveau, mais ça fait depuis 2019, même 2018, que le vainqueur du Grand Prix d'Abu Dhabi est champion du monde l'année d'après. Oui. Il faut remonter à Valtteri Bottas pour que ce ne soit pas le cas. Et je vois qu'il y a quelque chose comme à chaque fois que McLaren gagne le dernier Grand Prix, la saison suivante, c'est une cata. Oui, c'est vrai qu'en 2012, ils ont terminé au firmament de la F1, et en 2013, ils n'ont pas mis un pied devant l'autre. Donc on va espérer pour eux que ce ne soit pas le cas. De quel côté on sera l'année prochaine. Voilà. Ceux qui vous arrangent le mieux. Voilà, c'est si l'an prochain. Fan de McLaren, de Ferrari ou de Verstappen. Oui, vous nous dites de toute façon dans les commentaires, tout ça, n'hésitez pas. Si seulement Colapinto avait gagné cette course. Ah là là. Je pense que là, ça aurait été une intersaison incroyable pour Gonzalo Forbes et toute l'Argentine. Bon, qui sait, il n'a peut-être pas encore dit son dernier mot. Pour un baquet, enfin, même si je parle sous le contrôle de la personne qui est à ma droite, il n'a pas dit son dernier mot de manière certaine. On donne rendez-vous dans 20 ans pour le prochain pilote argentin. Ah là là, bon, on espère pour eux qu'ils attendront moins longtemps. On se donne rendez-vous en tout cas lundi prochain pour un nouvel épisode, ça c'est plutôt certain. Merci Dorian, merci Gonzalo d'avoir été là. Merci à toi Michael. Merci à toi Michael. Merci à vous. Merci à vous de nous suivre depuis ces quelques mois désormais qu'on vous propose ce podcast. On va continuer évidemment un petit peu pendant l'intersaison. Outlap prendra aussi quelques petites vacances, ne vous en faites pas, parce que bon, si on commence à faire le débrief du repas de Noël, ce sera peut-être... pas mal, hein. Il y a moyen, ça peut le faire, hein, ça peut être extrêmement intéressant. On vous dit au revoir et à la prochaine, ciao.